Bon après-midi tout le monde, bienvenue à Connaître ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Mon nom est Marie-Pierre, aujourd'hui à l'émission, on va parler de la pratique sage-femme dans le monde. On a Charline avec nous, bonjour Charline. Bonjour Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, c'est ça, on va parler de la pratique sage-femme dans le monde. On va avoir Madame Emmanuelle Hébert qui est sage-femme et au bac sage-femme. Alors on va parler de plusieurs choses qui touchent à la pratique internationale. Oui, notamment des projets au Gabon, en Tanzanie. Et on va avoir aussi Nawal, une étudiante en pratique sage-femme, qui va venir nous parler de la pratique sage-femme au Maroc. Oui. Alors, mais on va commencer d'abord. Tu voulais nous parler un peu des objectifs du millénaire. Mais en fait, j'avais plusieurs petites initiatives de l'ONU qui visent à promouvoir le développement mondial, en fait. Okay. Alors, il y a quelques objectifs du millénaire qui ont été mis en place en 2000. Mm-hmm. Alors, il y en a, je pense, une dizaine. Oui. Et il y a les objectifs 3, 4 et 5 qui peuvent... Il y en a 8, en fait. Ah, je viens de vérifier. Oui, il y en a 8. Il y en a 8, mais il y en a 3 qui peuvent être directement reliés avec la pratique sage-femme. Donc, il y en a un qui... Le troisième, qui est de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Okay. Alors, vu que la pratique sage-femme, c'est un métier qui est culturellement féminin et c'est un bon moyen de promouvoir l'autonomisation des femmes, mm-hmm. puisque c'est un métier dans le secteur de la santé qui requiert habituellement une formation universitaire, mm-hmm. qui est poussée, et ça permet aux femmes d'être des acteurs de changement dans leur milieu. Ensuite, on a bien sûr l'objectif 4, qui est de réduire la mortalité infantile. Cet objectif-là est vaste, bien sûr, mais la cible, c'est principalement de réduire des deux tiers, entre 90 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. OK. Alors, c'est un objectif qui est loin d'être atteint, mais il y a quelques petits avancements qui ont permis grâce aux initiatives de l'ONU et de plein d'autres organismes à but non lucratif aussi. Alors, il y a quelques faits, là, notamment à propos de la mortalité infantile, que je vais vous parler un petit peu. Le nombre d'enfants des pays développés qui meurent avant l'âge de 5 ans est passé de 100 à 72 décès pour 1000 enfants depuis les objectifs du millénaire, là, depuis 2000. Alors ça, c'est quand même une diminution de 28 %. Mm-hmm. Ça représente 10 000 tout-petits qui meurent de moins chaque jour. C'est quand même chaque pas rien. Chaque jour. Wow. On parle encore de 9 millions d'enfants qui meurent chaque année avant l'âge de 5 ans. C'est énorme. Mais oui. Et le taux de mortalité infantile est plus élevé. Ça se retrouve en Afrique subsaharienne, où le septième des enfants meurt avant 5 ans. Un enfant sur 7 meurt avant 5 ans. En Afrique subsaharienne, de nos jours. Là. OK. Et il y a aussi, pour atteindre les cibles de l'ONU, là, on est encore loin... Il y a seulement 10 sur 67 des pays définis comme ayant un taux de mortalité élevé qui sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l'ONU. Alors, il y a plusieurs choses qui ont fonctionné, qui englobent les objectifs du millénaire, notamment promouvoir l'allaitement maternel. Il y a une initiative qui est en particulier au Cambodge, où le ministère de la Santé cambodgien a lancé l'initiative Amis des bébés. C'est un réseau de groupes de soutien à l'allaitement exclusif dans les zones rurales. Alors, okay. grâce à cette initiative-là, le taux de bébés nourris au sein est passé de 13 à 60 % en 2000 et 2005. Okay. Ça a des grandes répercussions sur la santé maternelle et infantile, plus infantile. Et aussi, en 2010, l'ONU a élaboré une stratégie mondiale pour la santé des femmes et de l'enfant. Et il y a bien sûr l'UNICEF qui poursuit sa mission d'éducation sur les connaissances de base, en particulier en ce qui a trait... aux soins du nouveau-né, les meilleures pratiques d'allaitement, les façons d'intégrer l'alimentation complémentaire, l'hygiène et l'élimination des matières fécales, bien sûr. Donc, tout ça, ce sont des initiatives qui ont été mises en place pour améliorer l'objectif numéro 4. Oui, qui est de réduire la mortalité infantile. Okay. Ensuite, il y a l'objectif numéro 5, qui est d'améliorer la santé maternelle. Mm-hmm. Alors, la principale cible, c'est réduire des trois quarts entre 90 et 2015 le taux de mortalité maternelle. Les faits, c'est qu'il y a plus de 350 000 femmes qui meurent chaque année des complications liées à la grossesse ou à leur accouchement. Presque toutes vivent dans les pays en développement, okay. 99 % en fait. Aïe, aïe. Le taux de mortalité maternelle diminue que lentement de nos jours, alors que la vaste majorité des décès pourraient être évités, notamment avec des soins de première ligne comme les sages-femmes. et aussi en Afrique subsaharienne, le risque de mortalité maternelle pour une femme en couche est de 1 sur 30, alors qu'il est de 1 sur 5600 dans les pays développés. C'est quand même une très grosse différence, là. De plus, chaque année, il y a plus qu'un million d'enfants qui restent orphelins de mère. Mmh. Puis on sait que les enfants qui ont perdu leur mère ont 10 fois plus de chances de mourir prématurément que les autres. Alors, c'est ça. Le taux de mortalité maternelle reste scandaleusement élevé, même s'il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place, comme la formation et l'embauche d'obstétriciens. Mais les résultats qui ont montré le plus d'impact, c'est quand on investit dans la première ligne, c'est-à-dire les sages-femmes et les infirmières. Alors, on est encore loin d'atteindre la baisse annuelle qui est requise de 5,5% de mortalité maternelle pour atteindre les objectifs de des objectifs mondiaux du développement. Alors, il y a aussi un projet qui a permis de réduire la mortalité maternelle. C'est un projet qui est mené par le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, et la Confédération internationale des sages-femmes. C'est présent dans 15 États arabes et pays d'Afrique et d'Amérique latine. En fait, c'est une collaboration entre les ministres de la Santé qui s'efforce d'accroître la capacité, la formation et le nombre des sages-femmes dans ces pays-là. Alors, notamment dans l'Ouganda, a élaboré un plan pour promouvoir une formation de qualité pour les sages-femmes. Au Nord-Soudan aussi et au Ghana. Alors, on va aussi pouvoir parler aussi du Gabon, de la Tanzanie et de plusieurs autres pays qui ont mis ça dans leurs priorités gouvernementales. Alors, je voulais aussi peut-être parler de quelques autres initiatives de l'ONU. Il y a aussi une semaine mondiale de l'allaitement maternel pour sensibiliser aux bienfaits d'une pratique qui peut sauver des vies. Ça, c'est le 1er au 7 août de chaque année. Puis, il y a aussi l'objectif de l'ONU qui s'appelle « Chaque femme, chaque enfant ». Ça, c'est aussi un ensemble de politiques qui vise à réduire la mortalité infantile et maternelle. Et il y a une fusion de 4 organismes de l'ONU qui vient d'avoir lieu tout récemment. Ça s'appelle ONU Femmes. Alors, c'est la fusion du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, la division de la promotion de la femme, le bureau de la conseillère spéciale pour la problématique homme-femme et l'Institut international de recherche pour la promotion des femmes. OK. Alors, donc, c'est tout. Eux, ils viennent de fusionner en un seul... Pour une seule division. Concentrer leurs efforts. Pour réduire... La mortalité maternelle et infantile. Alors, comme on l'a vu, là, ce qui donnait vraiment des résultats, c'est d'investir dans la première ligne de soins. Et on va pouvoir en reparler un peu plus tard avec nos invités, Emmanuel et Nawal. Alors, merci Charline, ça met un peu la table pour la suite de notre émission. Restez à l'écoute, après on va voir l'entrevue avec Emmanuel Hébert. On va aller tout de suite en musique avec Sophie Baudet et sa chanson « Les garçons ». Vous êtes à l'écoute de Connaître Ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Elle m'a fait bien des fois comme un fait. Je ne suis pas et décrit 100 fois et médit de moi. Et puis moi j'ai marché dans des mauvais souliers. Ce qu'on m'avait prêté. Moi je me suis cru souvent, me suis menti bien longtemps. Et j'ai voulu être ce qu'on doit paraître. Je me suis exilée bien loin en moi-même. Je me suis oubliée. Et puis me voilà, sous les roses à talons plats. Fille de soins et de soins bruts. Le poing, la caresse, muguet et sueur. Violence, tristesse, m'étalée. Et aujourd'hui je crois savoir ce que je ne suis pas ou tout ce que je suis. Je suis à la fois ni tout le monde ni personne. Ni tout le monde ni personne. Mise au monde garçon. Soin brûlé de poing la caresse, gay soir. laisser aller cœur. Car oui, me voilà sous les roses à talons plats. Fille de soie, mais de soie brune. Les poings, la caresse, muguet et soir. Violence, tristesse, m'étaler cœur. Ni tout le monde, ni personne. Ni tout le monde, ni personne. Mise au monde, gars. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. On vient d'entendre la chanson Garçonne de Sophie Baudet. Alors, on est avec Emmanuel Hébert dans le studio. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, aujourd'hui, Charline, on va parler avec Emmanuel de la pratique sage-femme dans le monde. Oui, mais pour commencer, Emmanuel, je t'inviterai à te présenter un petit peu. Donc, je suis Emmanuel Hébert, je suis professeure au programme Sage-Femme. Je suis issue de l'université ici, donc j'étais la chanceuse qui a fait partie de la première cohorte Sage-Femme formée ici à l'université. Et voilà, maintenant je viens donner un petit coup de main pour former les futurs étudiants de Sage-Femme. Donc, tu es Sage-Femme toi-même? Oui, évidemment. Mais oui. Puis aujourd'hui, on parle de la pratique sage-femme dans le monde. Alors, comme on en a glissé un mot tantôt avec les objectifs du millénaire, comment est-ce que la pratique sage-femme dans le monde peut être un acteur de changement pour les objectifs du millénaire? Ben oui, effectivement, c'était très intéressant ce que tu présentais tout à l'heure, Charline. Et je pense que ce que tu disais sur le fait que c'est la première ligne qui peut faire une différence, mm-hmm. c'est extrêmement important parce que quand il y avait d'autres objectifs du millénaire que ceux que tu as nommés. Et les autres ont fait des grands bonds en avant. Et celui qui concerne particulièrement la mortalité maternelle, mais aussi celle qui concerne l'objectif qui concerne la mortalité infantile, ont un peu stagné. Malgré le fait qu'il y a quand même eu des efforts qui ont été mis. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été mis. On dirait que les efforts n'ont probablement pas été mis à la bonne place. Et comme tu le soulignais, ce qui semble avoir mieux fonctionné, les pays où on a vu une différence, c'est des pays où on a investi dans la formation de première ligne, entre autres, de sages-femmes, où on en a formé mieux et plus. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a vu une différence. Donc, suite à ça, la Confédération internationale des sages-femmes a vraiment décidé de pousser, de mettre de l'avant que pour atteindre ces deux objectifs-là, les sages-femmes étaient des incontournables. Et avec le travail, ce que tu disais tout à l'heure, le Fonds des Nations Unies, l'UNFPA, ils ont vraiment installé un réseau de conseillères sages-femmes à travers le monde et qui travaillent en fait sur trois piliers. C'est ce qu'ils ont mis de l'avant. Trois piliers disent que pour qu'une profession soit forte dans un pays, elle doit s'asseoir sur trois piliers. Le premier pilier étant l'éducation, donc une éducation de qualité et offerte au plus de personnes possible, évidemment, pour augmenter le nombre de professionnels. Donc, ils ont mis un guide des normes de formation et puis un référentiel de compétences en place pour favoriser la mise en place d'une formation adéquate dans différents pays. Donc, ça, c'était un des piliers. L'autre pilier, c'était tout ce qui concerne la réglementation des sages-femmes. Donc, c'est important que les sages-femmes soient réglementées, donc qu'elles apparaissent dans des lois, mm-hmm. mais aussi, idéalement, qu'il y ait un organisme régulateur qui soit mis en place, tel un ordre professionnel ou quelque chose de similaire, pour vraiment bien encadrer la pratique, bien encadrer les normes de pratique aussi et évidemment protéger le public du même coup. On a ça ici, un ordre pour ceux qui seraient pas au courant. Au Québec, on a un ordre professionnel des sages-femmes justement qui est là pour, ben, pour réguler la profession puis le champ de pratique et tout là. Exactement. Oui. Et on a un ordre, on a aussi un baccalauréat. Oui. Et on a aussi le troisième pilier qui s'appelle, qui est important aussi, qui est l'association des sages-femmes. Donc, nous ici, on a une association des sages-femmes, mais ce que ICM, la Confédération internationale des sages-femmes, met de l'avant, c'est que les associations sont les voix des sages-femmes. Mm-hmm. Et les voix pour parler de ce que font les sages-femmes, mais aussi de ce que peuvent apporter les sages-femmes et de la vision sage-femme dans le système de santé et comment elles peuvent justement améliorer certains indicatifs comme par exemple les taux de mortalité maternelle et infantile. Donc, une association qui est forte, c'est aussi très important. Et souvent, dans les pays, entre autres en Afrique, ce qu'on va voir, c'est que c'est la première chose qui va apparaître, c'est une association. Et de l'association, avec les pressions qu'elle va faire, il va y avoir une réglementation qui va se mettre en place, peut-être un ordre ou un organisme régulateur, et aussi une formation adéquate. Parce que, bon, il y a souvent des formations, souvent elles ne sont pas adéquates, peut-être pas du niveau espéré, ni avec les professeurs, ou elles ne peuvent pas, ces formations-là, laisser entrer assez d'étudiantes pour les besoins. Donc, l'un dans l'autre, les associations permettent de pousser sur le gouvernement pour faire avancer les choses et faire une profession qui est forte dans un pays aussi. Et éventuellement, on espère faire une différence au niveau de la mortalité maternelle et infantile. C'est ça le but au bout du compte. Et tu parlais de la Confédération internationale des sages-femmes, c'est ICM, là, ou International Confederation of Midwives. C'est quoi un peu le rôle de cet organisme-là? C'est un organisme qui a vu le jour dans le début de 1900, là, vers autour de 1919. En fait, ça fait très longtemps. Au départ, c'était une confédération d'associations de sages-femmes européennes. Mais maintenant, elle regroupe une centaine de pays et plus de 100 associations. Il y a certains pays qui ont plus qu'une association de sages-femmes par pays. Et son but, sa mission première, c'est vraiment de mettre les sages-femmes sur la place publique et d'expliquer au monde l'importance des sages-femmes et donc de promouvoir cette pratique-là, toujours dans un but de diminuer la mortalité, les morbidités autour de l'accouchement, autant pour la mère que pour le bébé. Donc, c'est ça ce but. C'est une grosse association. Ce qui est très intéressant, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, cette association-là a un congrès à tous les 3 ans. Et en 2017, le congrès aura lieu au Canada. Donc, il va y avoir probablement au-dessus de 5000 sages-femmes de partout dans le monde qui vont venir nous visiter au Canada. Ça sera à Toronto, malheureusement, pas au Québec, mais c'est pas très loin. C'est moins loin qu'en Afrique ou en Europe. Effectivement. Et donc, pour celles qui seraient intéressées, je crois que ça va être un congrès qui va être très, très, très intéressant. Absolument. Et je pense qu'aussi, la Confédération joue un peu ce rôle-là à travers, justement, les associations dans les pays. Comment ça se passe, la collaboration là, à l'intérieur de la Confédération? C'est intéressant parce que ça se passe un petit peu comme, je dirais, comme à l'ONU. C'est-à-dire que tous les pays se rencontrent justement aux 3 ans. Congrès. Donc, il y a un congrès un conseil de tous les membres des associations. En fait, chaque association peut déléguer 2 membres. Et donc, après ça, il va y avoir des discussions sur les documents principaux, les prises de position, le fonctionnement, un petit peu le plan stratégique pour les prochaines années aussi. Et donc, on se retrouve avec 200 sages-femmes de partout dans le monde, assis autour, c'est pas vraiment en rond, mais un peu comme à l'ONU, là, en demi-cercle, qui vont discuter de différents sujets. C'est très, très intéressant. Et c'est intéressant de voir comment il y a des consensus qui peuvent arriver assez rapidement, malgré les différences de pratique d'un pays à l'autre. C'est un bel exercice démocratique. Ce qui est intéressant aussi avec ICM, dans la foulée de leur projet pour renforcer les capacités des sages-femmes, ils ont mis sur pied un projet, je dirais, un peu pilote. Ils sont allés chercher des subventions pour faire du jumelage d'associations. Et donc, je vais en venir avec la partie Tanzanie. Oui. Donc, l'Association canadienne des sages-femmes a été demandée pour faire partie de ce projet pilote-là de jumelage d'associations. Comment ça fonctionne? C'est de jumeler une association d'un pays moins fortuné avec une association d'un pays un peu plus fortuné. OK. Et de les mettre ensemble, donc les forces et les faiblesses de chacun de ces pays-là, pour favoriser une plus grande force d'association, finalement. Okay. Et le Canada a donc été jumelé avec la Tanzanie, qui est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, et en fait d'Afrique centrale plutôt. Et donc, on travaille avec l'Association des sages-femmes. Moi, je fais partie du comité... je ne sais pas comment on le dit en français. le comité central qui s'occupe de cette... On est trois sur le comité de base qui s'occupe de ce projet-là. OK. On est en train de travailler avec les gens de l'association là-bas. Quels seront les objectifs, le plan stratégique, en fait? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans cette association-là? L'idée, c'est vraiment... de voir ces associations-là comme égales. Mm-hmm. Et ça a été beaucoup, beaucoup mis de l'avant. Mm-hmm. Ils ne voulaient pas qu'on embarque dans un processus où on a une grande sœur et une petite sœur. Ouais. Ils voulaient vraiment que ça soit des jumelles. Donc, c'est pour ça peut-être que jumelage est utilisé au lieu de parrainage, comme exactement, par exemple. Exactement. Okay. Et donc, c'est un petit peu difficile et pour nous et pour les gens de la Tanzanie de ne pas... tomber dans ce piège-là, je dirais. Ouais. C'est facile. Eux, ils sont habitués d'être les gens qui ont moins et de demander de l'aide. Ouais. Et nous, on est habitués d'être les gens qui en ont un peu plus et d'être des donneurs. Ouais. Et donc, de se retrouver dans une relation donnant-donnant, ça demande un travail qui est très, très intéressant. Mm-hmm. On a beaucoup ri. On le prend avec beaucoup d'humour. On a des partenaires tanzaniennes qui sont très, très drôles et avec qui on s'entend très bien. Ça a cliqué, comme on dit, très, très, très rapidement. Donc, ça va être intéressant. Dans les projets qui s'en viennent dans le cadre de ce jumelage-là, mm-hmm. ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire des paires sages-femmes, aussi des jumelages de sages-femmes. Okay. Donc, une sage-femme de la Tanzanie va être jumelée avec une sage-femme du Canada. Bientôt, on va sortir des critères et on va envoyer la demande. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va faire aussi des paires sage-femme étudiante sage-femme de Tanzanie et étudiante sage-femme du Canada. Ça nous tente, wow. Ça? Ben oui, c'est intéressant. Je vois de l'intérêt de l'autre côté de la table. ce que ça va être exactement va être aux paires de jumelles de décider quelle sorte d'échange il va y avoir. Mm. Minimalement, il va y avoir des échanges d'adresses, d'e-mails, lettres, de photos. Idéalement, on va essayer d'avoir assez de financement pour ramener tout le monde en 2017 à Toronto. Okay. Et peut-être à Prague, qui va être avant Toronto en 2014. Mm-hmm. Pour qu'il y ait une rencontre en face-à-face. Si les jumelles du Canada ont assez d'argent pour aller se promener en Tanzanie, pourraient toujours aller visiter leurs amies tanzaniennes aussi. Mm-hmm. Donc, c'est surtout pour développer une meilleure connaissance de la pratique des deux côtés. Okay. Et développer des liens et peut-être éventuellement aussi qu'il y ait d'autres projets qui émergent de tout ça. Donc là, on en est encore vraiment au tout début de la collaboration. Là. Exactement. Okay. Exactement. On est vraiment juste à l'écriture de ce que va devenir ce projet-là. OK. Mm. Puis, c'est pas tous les pays qui sont jumelés. Je pense qu'il y a quelques paires seulement. Je pense qu'il y a 8 paires. J'espère que je ne me tromperai pas. Il y a l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Vietnam et le Japon, la Suisse et le Mali. Oui, c'est ça. Ça fait 4. J'ai dit 8 paires, mais en fait, c'est 4 paires, c'est 8 pays. OK. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Ben oui. Et il y avait déjà eu une paire entre la Sierra Leone et la Hollande, donc les Pays-Bas, qui ont été vraiment le départ de ce projet-là, qui était un projet indépendant, mais qui sert de modèle, finalement, pour ces 4 paires-là. Et nos 4 paires vont peut-être servir de modèle après pour un projet plus important. Cette paire-là est encore active, le CERN? Oui, oui. Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Ben, écoute, il y a toutes sortes d'écueils aussi, mais ça fonctionne bien. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton autre projet majeur du Gabon? Oui, le projet du Gabon, c'est un projet qui concerne non pas l'Association canadienne des sages-femmes, mais qui concerne plutôt le programme sage-femme ici, le baccalauréat en pratique sage-femme. Le Gabon est venu cogner à la porte de différentes universités canadiennes pour travailler sur la formation de ces professionnels. Et c'est l'UQTR qui a été retenu finalement pour travailler avec cet institut-là qui donne de la formation à des professionnels de la santé, donc autant des infirmières, des travailleurs sociaux que des sages-femmes, ou enfin, qui va donner, j'expliquerai la problématique sage-femme par après. Donc, c'est un projet qui est multidisciplinaire. Donc, on travaille avec une équipe d'infirmières, de travailleurs sociaux, de gens, des sciences de l'éducation. Tous de l'UQTR? Tous de l'UQTR, avec cette école-là au Gabon. Pour le moment, la partie du programme sage-femme, ce que ça touche, c'est qu'il y a l'équivalent d'une maîtrise en pédagogie ou enfin en enseignement qui se donne dans cet institut-là. Et dans cette maîtrise-là, il y a une partie en pédagogie qui doit être donnée, mais il y a aussi une partie en mise à niveau disciplinaire. Donc, une partie où on parle plus de ce que les enseignants vont enseigner, non pas comment ils vont l'enseigner. Donc, le quoi et non pas le comment. Et il y a 9 sages-femmes dans cette maîtrise-là qui avaient besoin d'une mise à niveau. Okay. Donc, c'est avec elles que, présentement, on travaille à faire une espèce de mise à niveau de leurs connaissances pour qu'elles puissent devenir des enseignantes sage-femme par la suite. OK. Comment ça se passe, cette mise à niveau-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les connaissances qui seraient requises et celles qu'elles ont en ce moment? Oui. c'est particulier parce que plus j'avance dans la formation avec elles, plus je me rends compte des lacunes qui existent et plus je me rends compte qu'il y en a et qu'elles sont profondes. Okay. Elles ont une connaissance. C'est toutes des femmes qui ont beaucoup d'expérience aussi sur le terrain, mais qui n'ont jamais développé un jugement clinique et qui ont eu des cours surtout théoriques et qui ont de la difficulté à faire des liens entre la théorie et la pratique et plus habituées de travailler avec des recettes, donc des protocoles, et on applique le protocole, peu importe la situation. Et pas se poser de questions, et pas réfléchir, et pas appliquer une façon de faire différente à chacune des situations. Et même la théorie qu'elles ont eue, bon, pour certaines aussi, ça date déjà et les choses avancent très vite en obstétrique. Donc, il y a beaucoup de mise à niveau à faire à ce niveau-là. Mais ceci dit, elles sont tout à fait extraordinaires parce qu'elles ont vraiment, vraiment envie d'apprendre. Elles ont vraiment envie d'amener la profession à un autre niveau dans leur pays. Et ça se passe très, très bien. J'imagine aussi qu'il y a des grandes différences par rapport à l'attitude des sages-femmes. Je ne sais pas s'ils sont plus autoritaires ou comment ça se passe. Oui, effectivement. Ici, on a tendance à penser sage-femme avec une attitude plutôt sympathique. Là-bas, c'est souvent pas l'image, mais c'est le cas des sages-femmes, mais c'est souvent aussi le cas des infirmières, des médecins. Il y a une attitude un peu hautaine dans le système de santé où les gens ne se sentent pas nécessairement la bienvenue et qui aussi joue dans le problème des gens qui se rendent dans les centres hospitaliers ou dans les dispensaires de soins. C'est-à-dire que quand on est mal reçu, on a plus envie de rester chez soi, même si on a des problèmes, des complications. Okay. Et donc, ça joue aussi à ce niveau-là. Mais ça, c'est donc, je pense qu'on en a parlé un peu avant, c'est très culturel, là, comme l'attitude des professionnels de la santé, je pense que c'est culturellement que c'est un peu hautain. Mais je pense que culturellement, est-ce que cette culture-là vient de l'Afrique ou est-ce qu'elle vient de la colonisation française? C'est difficile de le dire. Puis je pense qu'il y a tout un système hiérarchique qui est très, très présent, très important. Et donc, quand tu as un peu plus de formation, tu as comme le droit de parler de haut aux gens en face de toi, même si c'est des gens qui sont sous tes soins. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose d'un peu culturel à ce niveau-là. Je pense qu'il y a sûrement quelque chose autour du stress aussi, de la difficulté de travailler dans ces conditions-là, de perdre beaucoup de mères et de bébés. Donc, mm-hmm. en quelque part, il y a quelque chose au niveau de l'attachement. On ne peut pas être trop proche des femmes parce qu'il y en a beaucoup qu'on perd. Donc, pour ne pas avoir trop de peine, c'est une espèce de d'autoprotection. Mm-hmm. Ce qui est très intéressant, c'est que l'institut où on travaille présentement, c'est une des choses qui veut vraiment, vraiment changer, autant au niveau des infirmières, des travailleurs sociaux que des sages-femmes. Okay. Donc, tout ce qui est attitude, d'accueil de la clientèle, mm-hmm. comment on gère des situations tout en étant calme, zen et ouvert, c'est quelque chose qu'ils veulent vraiment qu'on mette de l'avant. Et okay. c'est un peu, entre autres, une des choses pourquoi ils sont venus cogner aux portes des universités québécoises. Pour l'attitude, aussi pour la façon dont on a de former des professionnels qui est beaucoup plus pratique mm-hmm. que dans d'autres pays, surtout européens. Mm. Puis comment ça se passe concrètement, la formation? Est-ce que vous allez là-bas sur place au Gabon ou ça se fait à distance? Oui, on est allé donner des formations. En fait, je suis allée déjà deux fois donner des formations, une fois avec une collègue sage-femme. Et puis, pour le moment, il y a des formations qui se continuent à distance. Donc, avec une plateforme informatique qu'on utilise ici à l'UQTR pour okay. donner des cours à distance. Et il y aura sûrement d'autres formations là-bas. On regarde aussi à donner certaines formations conjointement avec les infirmières, là, des formations qui touchent plus les méthodes de soins, par exemple, là, parce okay. qu'elles ont besoin d'une mise à niveau aussi mm-hmm. sur, par exemple, la sepsie, sur faire une intramusculaire, une intraveineuse. Et donc, ça, c'est des choses qui n'ont peut-être pas besoin d'être données directement par une sage-femme, mais qui peuvent être données mm-hmm. par des infirmières aussi. Parce que ça ne concerne pas juste les sages-femmes, mais aussi, tu disais, les infirmières et les travailleurs sociaux. Impliqués. Exactement. OK. Donc, il y a des infirmières qui vont de façon régulière donner des formations là-bas aussi. OK. Donc, on parlait de peut-être mettre ensemble certaines choses. Comme pour tout ce qui est relations d'aide, on va mettre probablement les sages-femmes avec les travailleurs sociaux. Puisque c'est un tout petit groupe, les travailleurs sociaux sont un plus grand groupe. Puis bon, quand on parle de principe de relation d'aide, peu importe la profession, c'est un peu la même chose. Moi, je me demandais aussi, est-ce que là-bas, au Gabon, ils travaillent en collaboration avec les infirmières, les sages-femmes, ou c'est des professionnels autonomes? Comment ça se... J'imagine que c'est plus en centre hospitalier aussi, leur pratique? C'est une grosse question. Non, mais je peux y répondre. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour y répondre. Plein de temps, apparemment. Bon. En fait, ça dépend dans quel milieu les sages-femmes travaillent. Elles ne travaillent pas comme ici, en continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sages-femmes qui font du suivi prénatal, qui sont là pour l'accouchement, puis qui font le suivi postnatal. Il y a des sages-femmes qui vont faire que du prénatal et du postnatal, et des sages-femmes qui travaillent plus en centre hospitalier, en salle d'accouchement. Ça, c'est en ville. OK. Quand on va en campagne, évidemment, on va se retrouver dans des structures de santé beaucoup plus petites qui appellent soit centre de santé ou centre médical qui sont plus petites. Il y a aussi des dispensaires, mais là, normalement, il y a juste une infirmière dans un dispensaire. Okay. Il n'y a pas normalement d'accouchement dans les dispensaires. Okay. Mais dans les centres médicaux et les centres de santé, il peut y avoir une, deux, trois sages-femmes qui vont couvrir pour tout. Mm-hmm. Donc, ils vont devoir travailler en collaboration dans ce cas-là avec les infirmières et ils vont former des infirmières pour faire une grosse partie du travail de sage-femme, entre guillemets. Mm-hmm. Donc, on va avoir des infirmières avec un rôle élargi, si on veut, parce que les sages-femmes ne peuvent pas couvrir tout ce qu'il y a à faire. Et là, elles vont faire le prénatal de tout le monde qui se présente en prénatal et le postnatal des gens qui vont venir en postnatal et évidemment tous les accouchements. Donc, vont devoir être de garde aussi de nuit. Donc, ils vont faire des gardes de 24-48 heures avec des infirmières. Et c'est un peu comme ça. Mais par contre, il n'y a aucune infirmière en salle d'accouchement dans les grands centres en ville. C'est que des sages-femmes. Puis, au niveau de la collaboration avec les médecins? Bien, la collaboration avec les médecins, ça se passe bien. OK. De façon générale, elles sont plus sur un pied d'égalité avec les médecins. Mais en même temps, c'est un peu différent. Il y a toute une question de hiérarchie. Là. C'est-à-dire mm-hmm. que présentement, les sages-femmes avaient l'équivalent d'une formation universitaire et ça les mettait plus haut que les infirmières, que les travailleurs sociaux. Et elles faisaient un an commun avec les médecins. Donc, les médecins étaient un peu leurs collègues d'études, mm-hmm. je dirais. Maintenant, tout le monde remonte à un niveau universitaire. Autant les infirmières que les travailleurs sociaux et les sages-femmes vont rester aussi à un niveau universitaire. Et là, aussi, ils se sont rendus compte qu'il y avait des lacunes importantes dans la formation des sages-femmes. Donc, c'est pas sûr que ça reste en faculté médicale. De toute façon, ça ne rejoint pas les recommandations de la Confédération internationale des sages-femmes qui dit qu'idéalement, peu importe la profession, mais particulièrement pour les sages-femmes, ça devrait être des sages-femmes qui enseignent à des sages-femmes pour la majorité des cours, parce que c'est ce qui fait le modèle de rôle aussi. Mm-hmm. C'est ce qui comprend mieux la profession, mais c'est aussi ce qui fait le modèle de rôle, qui donne envie de devenir sage-femme et de porter la profession avec cœur, diligence. Alors que si c'est un médecin qui te donne les cours, tu n'as pas de modèle de rôle. Tu ne veux pas devenir comme le médecin. Oui, oui, je comprends. Donc, y a pas de... Donc c'est beaucoup mieux si c'est des sages-femmes qui enseignent aux sages-femmes. Et c'est ce qui va essayer d'être mis en place au Gabon, d'une façon ou d'une autre. Soit à l'université, qu'il y ait une école sage-femme qui soit développée sous la faculté des médecins. Soit à cet institut-là, il y aura... une formation de niveau baccalauréat, notre baccalauréat, pas le baccalauréat français, là-bas. Parce que là-bas, ils sont sur le système français. Fait quand on parle de baccalauréat, on parle de niveau cégep 1 à peu près. OK. Ah oui. Oui. Donc, c'est différent. OK. On parle plutôt de licence ou de bachelor pour notre bac à nous. OK. Bien, ça fait un peu le tour de la question. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu à notre émission. Vraiment, merci super. Beaucoup. Mais bienvenue, ça me fait plaisir. Alors, donc c'était Emmanuel Hébert qui est professeur au bac en pratique sage-femme. Après la pause, on va avoir Nawal qui va venir nous parler, qui est une sage-femme marocaine qui va venir nous parler de son expérience. Alors, on va aller en musique écouter une chanson du nouvel album de Marie-Pierre Arthur, c'est « Fil de soie ». Vous êtes à connaître ensemble sur les ondes de C'est fou, 89.1. Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, rassure-toi, tu la reverras. Même de loin, elle te suit pas à pas. À connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1, l'émission des étudiantes sages-femmes. Alors, avant la pause, on avait Emmanuel Hébert pour parler avec nous de la pratique sage-femme dans le monde et des projets dans la Confédération internationale et blablabla. Alors, aujourd'hui, Avec nous maintenant, on a Nawal en studio. Bonjour Nawal. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de ton expérience un peu. Charline, en fait, je vais te laisser présenter Nawal. Bien, en fait, Nawal est étudiante en pratique sage-femme ici à l'UQTR avec nous, mais elle a aussi pratiqué 9 ans comme sage-femme au Maroc. Alors, elle a une grande expérience. Et, bien, en fait, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Je suis étudiante sage-femme ici. Mm-hmm. Puis, je suis sage-femme marocaine. Je le suis toujours. Donc, j'ai pratiqué 9 ans au Maroc, dans une clinique privée, dans un hôpital, puis dans une maison d'accouchement qui ne ressemble pas ici. C'est vraiment avec d'autres principes. Okay. Voilà, c'est en gros ça. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que la pratique sage-femme au Maroc? Alors, la pratique sage-femme au Maroc, je crois qu'après Emmanuel, il a vraiment dit l'essentiel. La pratique sage-femme au Maroc, les sages-femmes marocaines travaillent malheureusement avec déjà dans des conditions très très difficiles, puis avec un manque de réglementation parce que on travaille avec les lois de genre 1955. Okay. C'était juste après, c'était fait au fond par des Français. Il y avait des petites modifications, mais le fond ça restait le même. Puis après donc le contexte a changé, puis les sages-femmes marocaines, elles ont actuellement un niveau universitaire, puis ce n'est plus les sages-femmes de 1960. Mais le problème, c'est que les lois n'ont pas changé, donc ils pratiquent avec un champ de pratique qui n'est pas connu, donc ils ne savent pas c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Même pour la prescription médicale, il y a des médicaments qui n'existent plus actuellement, mais qui sont actuellement dans la loi, puis tu dis c'est quoi. Puis aussi, il y a malheureusement le travail dans un contexte où il y a un complexe de supériorité. Il y a toujours c'est juste les médecins qui ont le champ de pratique, puis l'autorité, puis la hiérarchie, puis beaucoup, beaucoup, ils vivent dans un climat de hiérarchie très, très tendu. Donc, en général, c'est ça. Puis aussi dans les horaires de travail, si par exemple des sages-femmes qui travaillent surtout dans les maisons d'accouchement éloignées, ce sont des sages-femmes qui travaillent avec ce qu'on appelle, c'est un horaire qui a été inventé, je crois, juste au Maroc, par un système d'astreinte. Ben, ça ressemble un peu ici, mais ici, on dit un système de garde. Oui. Ça veut dire que tu vas travailler, mais le lendemain, après-demain, tu vas récupérer. Sauf les sages-femmes qui travaillent par le système d'astreinte. Elle fait l'horaire normal, puis la nuit, il est chez elle, mais quand il y a un accouchement, il doit retourner à la maison d'accouchement pour le faire. Puis après ça, le lendemain, elle doit travailler avec l'horaire normal parce que c'est le système d'astreinte, c'est pas une garde pour récupérer. J'espère que j'ai bien... Dans le fond, les sages-femmes sont constamment en train de travailler. Oui. En fond, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment... Et en plus de ça, il n'y a pas un organisme qui défend les sages-femmes, puis qui défend la profession sage-femme. Il y a une association marocaine des sages-femmes, comme a dit Emmanuel, mais que ce qu'il peut faire, l'association, c'est juste vraiment, par exemple, c'est pas défendre la profession, puis le champ de pratique, puis les sages-femmes. Ça reste quand même une association qui a un pouvoir très limité, je veux dire. Donc, c'est pas un ordre professionnel. Non. C'est vraiment il n'y a pas d'ordre. Il y a l'ordre professionnel des médecins, mais il n'y a pas un ordre professionnel des sages-femmes. Ce qui fait que le champ de pratique n'est pas défini. Non. Okay. Non. Là, actuellement, on est en plein conflit. Qu'est-ce que la sage-femme marocaine peut faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Puis, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas aussi une volonté. Parce que malheureusement, avec le changement du gouvernement, on s'est dit que le ministère, il va changer un petit peu d'attitude de ce complexe dans lequel on vit. Parce qu'on n'est plus les sages-femmes de 1960 qui ont juste le niveau primaire. Mais dernièrement, la première sortie aux médias, puis il a remercié juste les médecins, puis les gynécologues, puis il n'y avait vraiment pas de mots à propos des sages-femmes qui travaillent dans les montagnes, puis qui travaillent dans les villages éloignés. Puis elle a dit, je remercie les gynécos d'avoir diminué le taux de mortalité maternelle et infantile. Or, c'est vraiment les sages-femmes qui sont en confrontation quotidienne avec ça. OK, fait qu'il y a un manque de reconnaissance de la profession. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Puis est-ce que les sage-femme, c'est couvert par une sorte d'assurance au Maroc? Comment ça fonctionne? En fait, ça ne ressemble pas ici. Pas du tout. Non. Non. Non. Puis donc, faut que les sages-femmes, les sages... Non, les femmes... Non, non, parce que okay. Ça ne ressemble pas ici. Les femmes, généralement, genre, juste dans les hôpitaux, mais dans les maisons d'accouchement, on ne paye pas. Puis un accouchement normal, généralement, ça ne se paye pas. Mais dans les hôpitaux, il y a les hôpitaux régionaux, locaux, mais l'hôpital régional, là, les femmes payent, mais ça ne paye pas vraiment okay. cher comme ici. Mais les sages-femmes n'ont pas d'assurance. Puis les sages-femmes, pour un transfert, c'est la sage-femme qui va accompagner la femme, ce n'est pas un ambulancier. Okay. Puis okay. Il n'a pas d'assurance. Elle n'est pas assurée, non. La sage-femme? Non. OK. Et comment ça fonctionne, le suivi? Est-ce que c'est une sage-femme qui suit une femme pour le prénatal jusqu'à... Ça diffère selon le... Bah, dans les hôpitaux, il n'y a pas de suivi. Tu fais l'accouchement durant ta garde, tu fais des accouchements, c'est tout. Mais dans les maisons d'accouchement, il y a un genre de suivi, mais bah, ça va être le prénatal, l'accouchement, le postnatal. Parce qu'il y a juste des sages-femmes généralement. Mais ça aussi, c'est à mettre en question parce qu'il y a aussi des infirmières qui font le travail. Donc, elle fait le suivi. C'est comme ici généralement, mais ne connaît pas vraiment la femme. Puis, il n'y a pas les principes de choix éclairés et tout mm-hmm. ça. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a une différence entre les sages-femmes universitaires et les accoucheuses? Il n'y a pas des sages-femmes universitaires parce qu'il n'y a pas l'université. Puis okay. nous, on a des centres, le centre, l'Institut de formation en carrière de la santé. Okay. C'est après le, genre, je vais parler d'ici, le nom, ouais. après le cégep, okay. cégep 1, comme a dit mm-hmm. Emmanuel. Et il y a l'Institut de formation en carrière de santé qui va former tous les professionnels de la santé qui sont sous le médecin. Là. C'est juste les médecins qui ont, une formation à l'université. Mais oh nous oui. aussi, c'est parmi les choses qu'on demande. On ben oui. Mais non, ça n'existe pas. On est éloigné dans l'Institut de formation. Puis, on a une formation spéciale pour les sages-femmes qui va vraiment les former pour suivre des protocoles. Mm-hmm. Et le problème, c'est qu'après, ils ne vont même pas mettre en question cet apprentissage. Ouais. C'est juste, par exemple moi, qu'en arrivant ici, j'ai commencé à dire non, ça ne fonctionne pas de la même façon. Il y a des choses à mettre en question. Puis justement, comment tu vis ton adaptation au modèle québécois? Je ne jette pas des fleurs, c'est vrai. La vérité, je suis fascinée par la profession sage-femme au Québec. C'est vraiment extraordinaire. Là. C'est un rêve dans lequel je vis. C'est vrai que c'est difficile pour moi encore, il y a beaucoup de travail à faire, mais aussi j'aimerais bien que les sages-femmes au Maroc découvrent ce monde. Ouais. J'aimerais bien quand même qu'il y ait un partage. Ça aussi, je veux arrêter pour dire, on a essayé d'ouvrir le milieu de stage international, c'était juste pour qu'il y ait un échange. Emmanuel, mm-hmm. il a parlé de beaucoup d'expériences, d'échanges. Mais là, il n'y avait vraiment pas une ouverture pour le ministère, vraiment, c'est ce qui répond même pas à nos demandes. Puis ouais. Au pire, là, tu demandes à la secrétaire, il dit « Ah, il y a la priorité pour d'autres pays, pas pour certains pays ». Ça m'a fait vraiment mal, mais vraiment, on insiste à ce que ce modèle québécois, à pouvoir le montrer aux sages-femmes marocaines. Ouais. Ouais. Puis... Je pense que tu as suivi, tu as fait un suivi de grossesse avec une sage-femme québécoise. Oui. À ton arrivée au Québec. Oui, oui. Comment oui. tu as trouvé ça? Extraordinaire. Mais surtout ma deuxième sage-femme. J'étais comme étonnée comment elle a ce bagage culturel. Ouais. était vraiment, on se sentait comme avec quelqu'un. Chez nous, c'est vraiment un visage maternel qui suit avec nous l'expérience. Et puis, je ressentis quand même que ça a été présent quelque part avec ma sage-femme. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Nawal. Ça me fait un grand plaisir. Ton partage. Et je vais vous dire une chose. Oui. Les sages-femmes au Maroc aussi n'ont jamais participé aux médias parce que